bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Allô, allô, bienvenue au Lobster 105. On va dire que c'est 105 aujourd'hui. C'est la fête des pères aussi. Et oui, les pères fêtent tous leur 300 000 22e année. Et oui, le mot sapien a environ 300 000 ans. Mais d'après mes recherches et certains dessins rupestres que j'ai pu observer, j'en arrive à la conclusion que Fernand Lavoie, le premier homo sapien, aurait aujourd'hui 300 000 22 ans. Donc, bonne fête des pères à tous les papas. Moi, ce matin, j'ai été manger au restaurant pour la première fois depuis un an environ, depuis le début de la pandémie. Pour l'occasion, j'ai pris le gros déjeuner du cultivateur. Et oui, j'avais deux œufs, deux toasts, fèves au lard, jambon, bacon, crème, pain doré, croton, patates rissolées, des fruits. Tout ça pour 15$ canadiens ou 12$ US ou 10€ ou 8,7 livres britanniques ou 11 000 won, la monnaie du bon ami de Donald Trump, le petit gros Kim Jong-un. Donc voilà. Ensuite, après ce déjeuner digne d'un cultivateur ayant un jardin abondant, je suis allé dépenser mon énergie en kayak. Et oui, j'en fais encore pas mal tous les jours. Cette semaine, il y a eu une journée de vent à 30 km/h et des rafales à 50. Sur le fleuve, c'était vraiment le fun. Je montais et descendais dans les vagues, tellement qu'il y avait des gens sur le rivage qui me filmaient. Et à la fin, durant ma promenade, j'ai dû vider le kayak deux fois car j'avais trop pris d'eau dedans. Mais aujourd'hui, journée de fête des pères, je suis allé dans un petit coin plus tranquille et c'était la saison des amours des libellules. Il y en avait vraiment partout. Les bleues, les plus belles, semblent être les femelles car d'après mes observations et tous les mâles qui étaient accrochés derrière et qui eux étaient seulement noirs. Donc c'est comme ça que j'en ai déduit que les femelles étaient celles qui avaient le beau bleu doré. Mais bref, je me suis arrêté au milieu de tous ces libellules et ils se posaient sur moi, sur le kayak, sur ma pagaie, et pour faire ce qu'ils avaient à faire, mais il y en avait des centaines. Et c'est un peu ça qui fait que je sors tous les jours en kayak, car il n'y a aucune journée qui est pareille. La semaine passée, je suis tombé dans une petite baie sur plein de gros poissons. Il n'y avait aucun vent, ce qui est assez rare, et je pouvais donc voir très bien le fond de l'eau. Quand il n'y a pas de vent, pas de vague, je vois vraiment très très bien le fond de l'eau qui en ce moment est plutôt bas. Donc, dans une petite baie, qu'est-ce que je vois pas? Je vois 7 lépisostés osseux. Once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Bon, je vous l'avoue, au début, je savais pas le nom de ces poissons. Donc, j'étais allé chercher sur Internet. Ils se nomment aussi poissons armés ou broche à lance. Ce sont quoi? Ce sont des poissons qui sont faits un peu comme sur le long et minces. Ceux que j'ai vus avaient environ 2 pieds de long, mais d'après ce que j'ai lu dans le Wikipédia de leur espèce, ils peuvent aller jusqu'à 3 pieds. Ils ont un long nez et ils sont tous tachetés. D'après ce que je lis, ce sont des poissons préhistoriques et qui ont la particularité d'être toxiques si on les mange, donc toxiques pour les mammifères. Et sur leur long nez, il y aurait 1400 petites dents à serrer. Donc, dans cette petite baie, j'ai joué environ une heure avec eux. Je me laissais dériver lentement au-dessus d'eux sans pagayer pour les observer. J'ai aussi vu d'autres poissons, des mastodons, des poissons qui devaient peser 10 livres, 15 livres, mais ceux-là, j'ai pas réussi à les identifier. Ils se sauvaient dès que j'approchais. Mais souvent, quand je restais dans mon kayak à pas bouger, je les voyais sauter au loin. Ils sortaient de l'eau pour attraper les genres de mouches ou de je sais pas quoi qui volaient tout autour. Mais j'ai parlé avec un pêcheur qui pêchait à la pointe où je débarque mon kayak, où je mets mon kayak à l'eau, et il me disait que lui, il vient pêcher le masquinongé à cet endroit. Donc c'est peut-être ça que j'ai vu. Mais comme le Saint-Laurent est rempli de gros poissons, eh bien, ça peut être un peu n'importe quoi. Car j'ai vu une feuille que le gouvernement a faite. C'est une feuille explicative qui nous permet d'identifier les poissons. Et d'après ce que j'ai vu, il y en a des centaines. Il y a vraiment beaucoup d'espèces dans le Saint-Laurent. Donc, il faudrait que je voie les poissons de vraiment beaucoup plus proche pour pouvoir les identifier. Là, en ce moment, je me cherche un fusil harpon sur Amazon pour les gros poissons. Parce que je pense que je vais essayer de les harponner. Et oui, d'après ce que j'ai lu, on a le droit de pêcher au harpon dans le Saint-Laurent si c'est pour manger les poissons immédiatement. Donc, d'après ce que j'ai lu, t'as pas le droit de pêcher au harpon si c'est pour stocker le poisson dans ton frigo. Mais pour les attraper et les manger immédiatement, il semble qu'on aurait le droit. Donc voilà, c'est ça pour le début du Lobster. On part en musique et au retour, on lit des messages drôles dans les groupes Spotted. Je suis tombé là-dessus cette semaine. C'est les groupes où les gens racontent un peu n'importe quoi. Et ça m'a fait bien rire. Donc on lit les messages et les commentaires de tout ça tantôt. Et pour bien débuter en musique, on va écouter une chanson du groupe Halloween, la chanson Fear of the Fallen, qui est sorti sur YouTube le 21 mai 2021. Donc, c'est assez récent. On écoute ça, c'est pas mal bon. Yeah! you're taking. This is the life you're chasing. Decide and stand your ground, my friend. The world will sure change in the end. Decide. Bon, les fameux groupes Spotted, c'est quoi au juste? Il y a ça dans Facebook. Spotted Montréal, Spotted Chicoutimi. C'est pour annoncer que tu as vu de quoi dans une de ces villes. Et je sais pas pourquoi, mais les gens aiment ça écrire là-dedans. Il y a des Spotted pour chaque ville ou pour des plages, genre Spotted Beach Club. Et désolé ici pour le léger jugement de valeur que je vais faire, mais ça semble être les meilleures personnes du village qui écrivent là-dedans. Comment dire, ce sont les gens les plus représentatifs de la place qui semblent prendre leur temps pour aller écrire là-dedans. Et c'est très amusant. Donc, on s'en est un petit peu pour se faire du bien. Bon, je vous lis ça, mais c'est pas préparé. Donc, désolé si c'est un petit peu plus désordonné qu'à l'habitude. J'ai rien choisi à l'avance, on lit au hasard, mais je fais confiance à la vie. Je suis sûr qu'on va avoir du plaisir. Donc, on commence. Spotted Chicoutimi. Bon, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse me faire un cover de mon tatou. Je suis prête à payer. Par cover, je veux dire un dessin, du moins, avant, pour voir ce qui est possible de faire. Ça date du 16 juin. Et les réponses. Il y a Patrick qui répond, t'es prêt à payer? Désolé Saguenay, mais va à Québec. Fais-toi faire une solide job. Fais pas la même erreur deux fois. Et il y a une personne qui répond à celui-là qui dit « Il y a des solides tatoueurs au Saguenay. » Et l'autre de répondre « J'ai jamais dit le contraire, mais il y a des niveaux de solidité et aussi les big fish in a small pond ont la chance de demander beaucoup plus cher vu que la compétition de leur niveau se fait plus rare en région. » Et finalement, Dave Germain vient conclure en disant « Commentaire cave, comme s'il n'y en avait pas des bons ici. » Voilà, on passe au suivant. Ici, un commentaire du 15 juin. À la dinde qui s'est pas chauffée dans son tas de merde bleu plaqué WTTTT, qui a manqué rentrer dans le char à mon ami à halte routière, puis qu'en plus a dépassé sur une ligne double deux chars et manqué faire un face-à-face et roulait genre 130 sur le pont, puis qui ose nous garrocher de quoi par la vitre du char. T'es une vraie imbécile, bien chanceuse de pas avoir pogné de rouge. Ah, oh, puis tu feras attention, la police est au courant. Puis là, il y a quelqu'un qui répond. Certaines personnes se pensent de bons conducteurs parce qu'ils conduisent comme dans les films. Ils utilisent souvent la phrase « Tassez-vous sur la droite! » Et il y a Rebecca qui répond « Une vraie king! » Catherine dit « Peut-être qu'elle ne sait pas conduire, mais toi, tu sais pas, tu sais pas écrire! » Parce qu'évidemment, il y a plein de fautes dans les phrases. Ah là là! Ok, on passe au suivant. Spotted Chicoutimi, 15 juin, 16h50. À toi le gars dans le Dodge Ram bleu flash, chevaux noirs, fin trentaine. Je te croise souvent au Costco et j'aimerais bien ça faire un tour de Ram. Puis là, il y a Frédéric qui répond, une fille qui aime les Ram. C'est-tu ça une fille à problème? Spotted Chicoutimi, 15 juin, 13h45. Spotted à la personne trop vache pour aller porter ses déchets dans la poubelle. À quoi? 50 ou 60 pieds d'elle? Tu laisseras faire, je les ai ramassés, mon colon. Décourageant le manque de savoir-vivre. Puis là, tu as une belle photo où que tu vois un parc et tu as comme des restants de Big Mac, des boîtes et un genre de poulet qui a été mangé. Il reste juste les os. C'est un petit peu dégueulasse. Puis là, il y a plein de gens qui répondent. Malheureusement, ça arrive trop souvent. Ou bien tirer par la fenêtre de l'auto quand ils sont sur la route. Il y a Martine qui résume très bien ce que les autres pensent, elle dit « crise de cochon ». Il y a Marie D.A.W. qui dit « on dirait que c'est un sac de poubelle défait par un animal ». Mais là, il y en a un autre qui dit « j'allais dire la même chose, on dirait le travail d'une corneille ». Donc ici, dans ce Spotted, il y a plusieurs commentaires qui suivent la piste de la corneille. Donc beaucoup de gens pensent que c'est plutôt une corneille qui aurait été chercher un sac de poubelle et l'aurait défait plus loin. Et finalement, il y a un dernier commentaire de Samuel Guérin, qui est un super fan du Spotted de Chicoutimi. Il y a un petit diamant à côté de lui. C'est écrit « Bon, c'est ramassé, tu voulais te montrer là? Bravo, tu veux un biscuit? Moi aussi hier, j'ai ramassé un déchet et j'en ai pas fait un Spotted. » Thank you. Bon, un autre. Spotted Chicoutimi, 14 juin, 23h11. Partagez au maximum pour ceux qui ont des animaux. Les tiques sont en ville. Je viens en enlever une à mon chien. Soyez vigilants. Et il y a Sarah qui répond, pas seulement pour les animaux. Ma fille en a eu une dans la tête l'été passé. Elle avait 3 ans et elle avait seulement joué dehors chez nous. Il y a Amy Baudette qui répond, vers le mois d'avril, j'ai sorti mon chien 30 secondes. Le temps que j'attrape sa laisse pour la rejoindre, elle avait un point noir sur le poil. Elle est blanche à la grandeur, merci Seigneur. Et c'était une tique qui se promenait. Bon, il y a Stéphanie qui répond, il y a des vermifuges qui protègent les chiens des tiques. Elles vont quand même piquer, mais elles vont mourir avant de pouvoir transmettre quelconque maladie. Il y a Richard Maltais, lui, qui demande dans quel coin il ou elle l'a attrapé. Savez-vous? Richard Maltais lui répond, sur la côte réserve. Sylvie Pius demande, ça aurait été formateur de voir une photo de celle-ci. Un autre Sarah qui répond, la saison des tiques est de mai à octobre normalement et peuvent être prolongées selon la température à l'extérieur. Des préventions antiparasitaires peuvent être données durant cette période. Fait qu'on apprend même des choses quand on lit ce genre de spotted-là. Finalement, il y a des messages de gens qui font comme envoyer le message à quelqu'un d'autre en disant, c'est Olivier qui envoie le message à Joanie en disant « Fais attention à Maya et Lucie ». Donc, on comprend que Maya et Lucie sont les animaux de Joanie. Et il y a Cathy qui fait la même chose, qui envoie ça à Caroline et qui dit « Fais attention à Timonthieu et Toupie au camping ». Donc, c'est des beaux noms de chiens. Et finalement, Max Girard vient donner la solution ultime. Il dit « Allez chez Jonas et vendre un traitement pour votre chien. Ça coûte 20$ et c'est bon pour 3 mois ». Bon, Spotted. Celui-là, il fait rire. Spotted à Chicoutimi, 14 juin, 15h20. J'ai retrouvé un lapin nain couleur blanc, un très gros lapin sur la rue Saint-Philippe à Chicoutimi. Je suis allé le porter au refuge des animaux. Et là, il y a Émilie qui répond : pourquoi être allé le porter au refuge et ne pas avoir demandé aux voisins c'était à qui? Et là, il envoie le message à Joanne Morin : as-tu retrouvé le lapin? Quand je suis allé porter le lapin dimanche soir à 21h, il était dans sa cage. Et là, il y a une autre personne qui répond, au moins, au refuge, il est en sécurité en attendant et ne se fera pas frapper par une auto. Et là, ça commence à dégénérer. Il y a Dave qui dit, si j'ai bien compris, c'est un très gros lapin nain blanc. Mario dit, un blanc lapin gros nain. Hugo répond, un nain blanc qui avait une face de lapin. Et Mathieu qui répond, un lupin flanc qui avait une place de bain. Et finalement, Mario dit, c'est un lapin nain blanc géant. Oh là là, ça me fait rire ces messages-là. Bon, on s'en fait un petit dernier de Chicoutimi, puis après on changera de ville. Donc, Spotted Chicoutimi, 14 juin, 11h05. Celui qui est venu prendre un verre hier soir samedi, qui signe le registre avec un faux nom, Ulrich, ben t'es parti sans payer. 3 grosses puis un cognac, tu me dois 37,50 plus pour boire, je vais te reconnaître, on a des caméras, même le plus pauvre des pauvres ferait pas ça à une barmaid. Puis c'est marqué que ça a eu lieu le 13 et 14 juin 2021. Et là, il y en a un qui répond, Louis répond, si je comprends bien, il y a un dénommé Régis à la porte et tu lui signes sur la bédaine? Blague à part, c'est crasse. Il y a Croston Tremblay qui répond, pas besoin de caméra, vous avez eu son nom et son adresse en lui demandant une preuve de résidence avec photo telle que stipulée dans le décret avant de le servir. Raphaël répond, si ton boss t'a fait payer la différence, c'est illégal et il est autant merdique. Isabelle, elle a dit, perso, tu devrais pas avoir à payer pour ce vol car il a volé le bar, pas toi. Tu as le droit à ton salaire qui inclut la commission. Et je vous souhaite de le retrouver. Il y a Michaud qui répond, « Ouf, quand tu quêtes ton pourboire de même, Mélanie dit, « Gros pas de classe, c'est triste de voir ça. Myriam, pourquoi avoir accumulé les commandes si vous ne le connaissez pas? » Bob Pocket dit, « Si j'ai bien compris, il est parti sans payer en plus d'avoir zigné Régis. » Et finalement, il y a Doris Fortin qui conclut en disant « Si tu n'as pas d'argent, reste chez vous et bois de l'eau. » Voilà, on écoute un petit peu de musique et au retour, on se tape un spothead d'un autre place. Salut tout le monde, là on est devant chez nos parents. En fait, on va faire une surprise à notre père. Il le sait pas, mais demain, on part en Argentine avec lui voir sa famille. Papa, on a une surprise pour toi. Demain, on part en Argentine. Faut que tu fasses ta valise. On part demain, ouais. Tout le monde est prévenu, Tio et tout. Toute la famille, tout. Ça va être bien. Ça te fait plaisir? Vamos, hijos! Empezamos ahora! Direction Argentina! Yeah! Big Flo Oli! Tu connais, non? Yeah! Désolé maman, ce texte sera pas pour toi. Je suis discret en vrai, mais en musique il faut que je parle. Sa voix vibrait dans mon oreille quand j'étais dans ses bras. Les chansons à la guitare, les bisous avec la barbe. Il parle de l'époque du lycée, avec mélancolie. Je m'endormais sur le canapé, je me réveillais dans mon lit. Il m'a laissé veiller devant les films que j'aimais bien. Il m'engueule jamais, le pire c'est quand il dit rien. On fait des matchs et je prie pour que ça dure. Il prend de l'âge, je l'ai lu dans ses courbatures. Et j'en tremble quand on se fâche par moments. Plus ensemble, mais il demande toujours pour maman. Il m'a transmis son charme et sa poésie. Mais j'ai aussi hérité de sa calvitie. C'est mon idole, avec lui rien n'est impossible. C'est un peu mon avocat, mon cuistot, mon taxi. Ses histoires et ses blagues quand il picole. Ses vieux pulls et ses chemises à auréoles. Maintenant c'est bon et bêtement on en rigole. Mais j'étais con et j'avais honte devant l'école. L'odeur du café le matin, la voiture, les souvenirs. Les au revoir, les câlins, ses blessures, ses soupirs. Ce sera toujours mon père et je reste son gamin. Et quand j'en aurai un, je lui parlerai du mien. Celle-là c'est pour nos pères, nos padres. Ceux qui disent je t'aime sans même parler. Ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait. Celle-là c'est pour nos pères, nos padres. Ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait. Y ya sé que soy viejo, nunca te olvidaré. Cuando miro al espejo, son mis hijos que veo. Me acuerdo del mío, y cuando se fue. Aprendí que en la vida no vale más que papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá. Derrière moi depuis mes tout premiers papa. Tous mes amis le trouvent vraiment très sympa. Il les invite à partager leur repas. Mon père c'est le meilleur mais ça se compare pas. Il est ridé, la jeunesse l'a quitté. Comme tous les pères, il a l'air déprimé. Pensif dans le salon, je le vois à chaque fois. Je crois qu'il regrette l'époque où il était papa, papa. Mon père c'est mon boss, mon roi, mon héros. Moi, je suis son gosse, son mino, son hero. Quoi ? Il tourne tous mes problèmes en dérision. Je suis une des raisons pour laquelle il peut finir en prison. Quoi qu'il arrive, il accomplit sa mission. La berceuse du soir et les bisous qui piquent devant la télévision. Le sport devient une religion. La sueur des joueurs de foot devient de l'eau bénite. Si ton père n'est pas là, tu sais, ne sois pas triste. Tu évites les engueulades pour le bouchon du dentifrice. Et j'appréhende déjà le jour des grands adieux. Y'a pas de bon père, y'a que des hommes qui font de leur mieux. Celle-là c'est pour nos pères, nos padres. Ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait. Celle-là c'est pour nos pères, nos padres. Ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait. Y ya sé que soy viejo, nunca te olvidaré. Cuando miro al espejo, son mis hijos que veo. Me acuerdo del mío, y cuando se fue, aprendí que en la vida no vale más que papá, papá. Papa, je te promets papa, je t'en voudrais. papa. Je t'oublierai, papa. Je te promets, papa. Je t'en voudrais, papa. Yo te doy mi canción, cuando sale del alma, yo te doy mi corazón. El día que yo nacieron, saqué un boleto de ida. Hijo mío, yo le digo, lo quiero más que a mi vida. Yo ya sé que soy viejo, pero aquí siempre estaré. Siempre al lado de ustedes, yo seré. Y el tiempo pasa y pasa, cada día más. Seguiré cantando y seré papá. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes sages, les sages et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Soy aquella persona que pasen los años. Voy a aprender a volar y tú no me vas a frenar. No voy a vivir encerrado, no era lo que me imaginaba. Soy trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzag. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. On s'en va où maintenant? Ok, on va se faire un spothead de la ville de... Oh! Je vous le dis pas. Mais je vous donne un indice. On écoute un petit bout d'un film qui est sûrement passé à la télé communautaire de cette ville. Une chose certaine, ce ne sont pas les musées qui attirent les jeunes de Bouzeville. On se demande d'ailleurs où ils sont, ce qu'ils font et ce qui les attire. Nathalie Giroux a donc rencontré les jeunes de Bouzeville là où ils se trouvent. Les jeunes de Bouzeville n'ont pas beaucoup de place où aller. Trop vieux pour rester avec papa et maman, trop jeune pour les hôtels. Pour les trouver, il faut aller au bistrot. C'est quoi qui t'attire ici? Ben, j'aime ça, c'est parce que je viens voir mes chums. Ben, pour rencontrer des amis, puis c'est pour... Les jeux t'intéressent pas? Oui. Quand il y a de l'argent. Mais les jeux t'intéressent pas? On joue de temps en temps, mais tu sais, plus ou moins. Ben, c'est pour voir mes amis de filles, mes amis de gars. Les jeux, ils t'intéressent pas pantoute? Pas terrible. Pourquoi tu viens ici? Moi, je viens ici pour triper. Moi, c'est quoi ton trip? C'est toi puis moi. Ces jeunes ne sont tellement pas habitués à ce qu'on leur donne la parole qu'à première vue, ils n'ont rien à dire. Bon, ben on va aller voir si les jeunes et les gens de Beauceville ont quelque chose à dire dans le Spothead de Beauceville. Donc, on ouvre ça et on regarde. Spothead Beauceville, il y a 6 heures seulement. Bonjour, j'ai 3 petites poules rousses à donner. Elles ont 24 semaines et pondent à tous les jours. Je réalise que je n'ai pas l'espace ni le temps d'en profiter. Il y a Sonia qui tague son amie qui dit « Sylvie Dufour, des petites poules en liberté chez toi, ça serait cute! » Il y a Karine Veilleux qui répond « Je les prends s'ils ne sont pas déjà partis. » Quelques minutes plus tard, elle re-répond en disant « J'irai les chercher ce soir même. » Et là, la personne, j'imagine, qui offrait les poules, parce que c'est toujours anonyme ces messages-là, il y a une personne qui répond « Je t'écris en PV. » Et là, tout de suite après, Nancy Poulin répond « Elles sont encore disponibles. » Yves-Éric répond « Je les prendrai. PV-moi. » L'autre qui avait déjà répondu à l'autre re-répond en disant « Je t'écris aussi en privé. » Et là, il y a Nelia qui répond « Bonjour, si elles sont encore disponibles, je suis preneuse. Nous venons de finir de construire un gros poulailler et pour le moment, nous avons seulement un petit poussin. » Et là, un message triste. Il y a Cynthia Laforge qui marque juste « Dispo » avec 4 points d'interrogation qui dit « On a perdu la nôtre avant hier. Ma fille de 3 ans a bien de la peine. » On termine là-dessus. On passe à un autre. Bon, Spotted Beauceville. Bois pour la Saint-Jean à donner. Bois après rénovation. Je vous aide même à le charger. Besoin d'un trailer. Si intéressé, envoyez un message et je vous contacte en PV. Faut que ça débarrasse. Et là, miracle, il n'y a aucun commentaire. Fait que tout le monde s'en fout du bois à donner. OK. Spothead à Beauceville, hier à 12h32. Spothead à la personne qui a été chiée en pleine cour du IGA, direct à côté du chose à panier. Là, il y a un petit bonhomme qui vomit. Tu sais, je comprends que tu as eu une grosse envie, mais calice, t'aurais pu tremper. Mais calice, t'aurais pu tremper. Ok. On fait une pause, ok? Pause. CFTM Canal 10, la télévision pour tout le monde. OK, j'ai été me calmer, puis on recommence ça. Spothead, Beauceville, hier à 12h32. Spothead à la personne qui a été chiée en pleine cour du IGA, drette à côté du chose à panier. Petit bonhomme qui vomit. Tu sais, je comprends que t'as eu une grosse envie, mais calisse, t'aurais pu te rendre plus loin. Genre où il y a du bois, au lieu de faire ça drette en plein milieu du parking. Et là, il y a Cathy qui répond « Moi, une madame a chié dans mon backstore récemment. Une belle merde liquide à terre. Bonhomme qui rit. Deux semaines plus tard, la madame est revenue et je lui ai dit que j'avais son chiage sur caméra. Sa face valait 1000$. » Et là, il y a Kevin qui répond à Cathy « Cathy, t'aurais dû lui emballer et dire qu'elle avait gagné le concours et lui remettre son petit sac. » Et là, Cathy répond à Kevin « Ah ah ah, oublie ça, c'était trop d'une chiasse. » Et là, Cathy se répond, « Mais quand je l'ai vue, j'y ai dit. Je vous ai vu l'autre jour. » Puis elle était comme, « Hein? » Puis moi, j'y ai répondu, « Oui, en train de chier à terre dans le backstore. » Puis là, il y a plein de gens qui font « Petit bonhomme sourire. » Et finalement, on va conclure ça avec Marc-Antoine Fortin qui répond, « Saviez-vous ça que Michel Richard a déjà chié sur le tapis d'un hôtel? Je voulais juste le dire, c'est tout, bye. » Oh là là! Merci Beauceville, vous nous faites rire. Potted, Beauceville, 18 juin, 7h12 du matin. Voyage d'eau pour remplir une piscine à Beauceville, on contacte qui? Il y a Maxime qui répond, Donald Vachon, Saint-Victor, et il y a trois personnes qui font petit pouce vers le haut. Il y a Steve qui répond, ferme Donald Vachon, Saint-Victor, deux pouces vers le haut. Jacques qui répond, ferme Donald Vachon, Saint-Victor, deux pouces vers le haut. Frédéric qui répond, ferme Donald Vachon, deux pouces vers le haut. Donc, finalement, pour un voyage d'eau à Beauceville, on appelle qui? La ferme Donald Vachon, Saint-Victor. Spothead, Beauceville, 14 juin à 3h46 du matin. Recherche quelqu'un capable de faire du français 4 du cégep. Prêt à m'aider, je fais mon cours par correspondance. Rémunéré, bien sûr. Petit bonhomme sourire. Et il y a Manon Rodrigues qui répond, qui tague sa copine Tracy Champagne qui répond, vous pouvez m'écrire en privé. Fait que ça conclut comme ça, mais ce qui est beau, c'est que la personne qui a écrit le « Recherche quelqu'un capable de faire du français 4 » n'a pas fait aucune faute dans le message. Je suis fier d'elle. Oui, c'est bon, t'as même pas besoin d'aide. OK, suivant. Spothead, Beauceville, 13 juin, 15h07. Un qui n'a pas fait son cours de français au cégep. La gang de colons de Calis qui se sont amusés à décalisser mon scout à Callaway, le crisser dans le fossette, casser les miroirs et même essayer de forcer la serrure à Saint-Joseph. Vous êtes une crise de gang de cave, de sans-génie, de bon à rien. Voyons donc décrisser les affaires des autres à cause qui étaient en panne. Vous savez donc ben, D-O-N-B-I-N, pas vivre. S'il y a du monde qui sont au courant de quoi ou c'est qui, récompense, R-E-C-O-M-P-E-N-C-E, en argent, promise, voyons donc, ça se fait juste pas, m'a allé décrisser tes affaires, moi, tu vas voir si c'est le fun. Et il y a Guillaume Bisson qui lui répond, si tu es assuré, tu passes ça sur assurance vandalisme et c'est tout. Michel Boucher, j'ai de la misère à comprendre ce qui s'est passé. Et finalement, Max Poulin, encore un coup bas, des boomers. Bon, qu'est-ce qui se passe en Beauce? Le 11 juin, 19h03, je viens de voir un cheval dans la rue entre Beauceville et Saint-Joseph, près du Pont-Vert. Je sais pas s'il est perdu. Il y a Simon qui répond, tu parles sûrement du rang Sainte-Caroline. J'avais vu des vaches dans le rang. J'ai dit au gars qui reste à côté et il s'en foutait pas mal. Ça a l'air juste normal. Et Martine qui répond, quelques minutes plus tard, il a été ramassé et est en sécurité. Donc, c'est ça qui se passe en Beauce. Des chevals dans la rue ou des chevaux dans la rue. Si on a fait notre français 4 il y a plusieurs années. Spothead, Beauceville, 8 juin, 3h50 du matin. Bonjour ou bonsoir à tous, je suis à la recherche d'un vélo de montagne avec le cadre X large pour une personne de 6 pieds 1 pouce et je me demandais quelle est la meilleure marque et l'endroit que vous me conseillez. Commentaire négatif ou irrespectueux, s'abstenir s'il vous plaît. Merci de votre compréhension. Et oui, il n'y a eu aucun commentaire négatif en dessous de son message. En fait, il n'y a eu aucune réponse. Bon, on va conclure ça. Et oui, merci Beauceville. Un petit dernier Spothead pour la route. Cependant, je vais essayer de vous en trouver un. Bon, ben, c'est sûr qu'on peut pas battre le chiage devant le IGA. Mais il y a celui-ci, un Spothead qui suscite beaucoup trop de réponses. Et mon ami Martin va l'apprécier en plus. C'est écrit Spothead Beauceville, 27 mai, 14h16. Bonjour. Est-ce qu'on aurait des fans de Star Wars à Beauceville qui seraient intéressés à s'entraîner au sabre laser et apprendre des formes de combat de Star Wars? Bon, déjà là, je suis surpris là, de c'est quoi cette histoire-là. Mais il y a 104 commentaires qui répondent à ça. Il y a Dave qui répond « ça va bien aller ». C'est sûr, c'est pas trop intéressant. Mais Nicole dit « belle initiative pour amuser les gens qui en ont grandement besoin ». Et là, ça commence. Il y a Christian qui tague son ami Enrico en disant « Enrico, c'est le meilleur de cette profession et il pourrait donner des cours. » Déjà là, d'apprendre que c'est une profession, je suis surpris. Et là, il y a Poulain, Francis, qui tague deux de ses amis, François Dupuis et Martin Julcoeur. « Pourriez-vous emmener votre armature de combat que vous avez? Quel niveau vous êtes rendu dans Star Wars? Je pense que le monde de Beauceville serait pas de calibre. Vous devriez continuer à jouer sur le terrain à François Dupuis à Saint-Georges. » Et là, François répond « Poulain Francis, je suis niveau Jedi. Martin Jolicoeur, Padawan, me semble, mais ça va dépendre s'il a réussi l'ultime test la semaine prochaine aux 7 chutes. Et là, Martin répond à son ami, Poulain Francis, oui, puis on t'invite plus, t'es toujours en train de te promener à quatre pattes sur le terrain en rêvant que le robot blanc qui ressemble à un malaxeur vient te prendre par derrière. Et oui, un petit peu de classe quand même à Beauceville. Et là, il y a Esther qui, elle, répond, Wes Collin, c'est pour toi, jeune Jedi. Éric Veilleux dit, Alexandre Cossette, c'est pas Francis Laflamme qui était membre hors du club Star Wars. Il a sûrement tous ses badges de combattant nécessaires pour faire des combats d'épée. Réponse, Éric Veilleux, oui, sa collection de sabres et celle de cartes Magic sont assez impressionnantes. Autre réponse, Alexandre, oui, j'en doute pas, j'ai vu sa collection de costumes et ouf, un vrai passionné. Réponse encore, jamais j'aurais pensé que quelqu'un oserait parler de ma passion sur une page publique. Trois bonhommes qui rient à en mourir. Voilà, c'est terminé pour nos Spotted dans le Lobster 105. Et oui, c'est terminé. Et là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne fin de Lobster. On va terminer avec quelques épisodes de Kaamelott et de la musique que j'avais sélectionné pour vous. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se reparle la semaine prochaine si je suis pas au chalet. Car oui, les vacances arrivent à grands pas et je prévois me rendre au chalet. Et qu'est-ce qu'on dit pour tous ces beaux spotheads qu'on a lus ce soir? On dit merci la vie. Merci la vie. Sur ce, bonne fin de l'absurde. On m'a dit que c'est là qu'il fallait venir quand on avait un problème. Non, mais le peuple, pas vous. Alors le peuple, il a le droit et pas moi? Exactement. Cassez-vous. Non, mais là, autant d'habitude, c'est pas mon genre de faire des histoires. Hein? Autant là, je crois qu'on est arrivé à des extrémités et que si on ne fait pas des cas de fer maintenant, dans pas longtemps, ça sera trop tard. Bon, allez-y. Arthur vous écoute. Attention, là, il s'agit de se remuer à trouver une solution. On est là pour ça. À quel problème? Au chou. Au quoi? Non, l'autre fois, là, on a essuyé une attaque de Romains. Est-ce que vous vous souvenez du lieu de la bataille finale? À 100 pas à peu près du rempart sud. Tout juste, en plein dans les plantations de choux. Le champ rasé à blanc, même plus de quoi ça a une soupe. Deux mois avant, pareil avec les Vikings. Il n'y a plus un chou de mangeable. Enfin, vous savez, on ne choisit pas tellement l'endroit où on se fait attaquer aussi. Bah, la solution, elle est simple. Hein. On replante dans le seul endroit qui risque rien. Bah, où ça? Bah, dans l'enceinte du château. Bon, Allez, regardez, là, je vous en mets 8 rangées à côté du mur, là. Je peux pas faire moins, hein, hein. Après, près des contreforts, je fais des petites touches, là. 2 rangées par là, 2 rangées par ci. Bon, hein. Alors, attendez. Jusqu'à maintenant, on avait convenu qu'on réservait un petit coin. Et là, vous me parlez de rangées. Bon, un petit coin, vous me faites rigoler. 5000 pouces, ça va faire un joli petit coin, je préfère être franc. 5000 pouces? Non, mais vous êtes dingue, on pourra même plus passer. Oh, ben, je vous réserve une petite allée pour circuler, on n'est pas des bêtes. Bon, il y a quand même des endroits, faudra un peu enjamber. Enfin, je vais pas accueillir les chefs de corps en demandant d'enjamber des rangées de choux, j'ai passé pour quoi? Ah, c'est ça, l'agriculture, c'est pas assez chic. Hein, quand c'est des carrés de tulipes, ça va, mais dès qu'on parle légumes et céréales, on a honte. Non, je m'excuse, dans une cour de château, il y a quand même plus souvent des carrés de tulipes que des rangées de choux. Ouais, eh ben, la prochaine famine, hein, si vous avez des tulipes à bouffer, vous viendrez pas pleurer. Mais ben, on verra à ce moment-là. Allez hop. Non, mais attends, à ce moment-là. À ce moment-là, je vous fais. Bon, ben, je vous fais moitié chou, moitié tulipe. Je peux pas faire mieux. Non, écoutez, je pense que la discussion. Bon, alors mieux. Attends, mieux. Bon, alors je vous fais un tiers chou, un tiers tulipe, un tiers blette, pour varier. Un tiers blette? Blette? Alors ça, je sais même pas ce que c'est comme légumes. C'est bon. C'est un peu filandreux. Il faut le cuire longtemps. Ouais. Bon, bah, allez. Je réduis à 1000 pouces de chou, 2000 de blette et le reste en tulipe, ça va? Non, mais je rêve, hein. Quand je pense que je peux même pas blairer ça, le chou. D'accord, je coupe le chou en deux et je mets du sel et rave là. Bon, hein. 4 petites rangées discrètes à côté de la mangeoire pour les cochons. Les cochons? Mais quels cochons? Ben, les cochons. Faut bien que je protège les cochons aussi, y a pas que les choux quand même, non? Bon, mais vous verrez, vous regretterez pas, hein. Puis je vais vous dire un truc, les poules, ça bouffe toutes les saloperies, même les serpents. Attendez, vous me promettez que quand on reçoit un chef de clan, vous rentrez toutes les brebis? Vous inquiétez pas, ça prend 5 minutes. Et tâchez d'être discret. Ah ben, c'est pas parce qu'on est paysans qu'on sait pas se tenir. Et puis attention, le cadre par ici, c'est quand même autre chose que par chez nous, hein. Ah ben, c'est bien tenu, les dames sont bien habillées. Non mais c'est vrai. Bah tiens. Vous adressez pas la parole aux dames, hein. Et pourquoi donc? Parce qu'on sent plus rien, c'est ça? Bah déjà oui. Et si j'ai quand même envie de leur souhaiter la bonne journée aux dames du château? Elles vous répondront pas, vous sentez le purin. Non, et puis si votre but c'était de séduire les dames, fallait faire chevalier, c'est tout. Alors on a dit donc... Bon allez, je vais ranger les lapins dans le clapier puis j'arrive, hein. Et... Non, je trouve que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait preuve d'écoute et d'ouverture. Bah, de toute façon, s'il y a besoin, il y a besoin. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, mais il est bien, lui. Il est carré. Ouais. Bah oui, on sent qu'il sait de quoi il parle, quoi. Ouais. Putain, ils font vraiment chier, ces pécores. Oh, il y a que là qu'on est bien, pas vrai? Eh, à chaque jour suffit sa peine. Dis donc, machin, t'es allé voir la table du fond si on y est? Sire! Qu'est-ce que vous faites là? Et vous, bande de cons! Voilà 4 jours qu'on vous cherche! On était en affaires dans le coin. Alors plutôt de se taper les 4 lieux tous les soirs jusqu'à Kaamelott, on a décidé de se fixer ici. Adieu, voyageur! Question lui sert! Allez, chèvre. Attendez, vous le reconnaissez pas? Non, mais c'est bon. Je crois que vous avez pas idée de qui c'est qui vient s'asseoir dans votre estanco. Caradoc, je vous dis que c'est bon! Votre tête me dit quelque chose! Oui, c'est possible, j'ai un physique très banal. Non, mais laissez tomber, on se connaît pas. Bon, la chèvre! Allez, chèvre! Vous avez tort de vous cacher. Ça lui ferait sûrement plaisir de savoir que le roi vient boire un coup dans son négoce. C'est comme nous, c'est du prestige. Ah, parce que vous êtes du prestige, vous, maintenant? En tout cas, notre présence est bien appréciée. Tenez cette table-là. Eh ben, tout le monde l'appelle la table des chevaliers. Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des deux connards. Mais je sais pas s'il nous avait reconnus. À propos de table, il y en a une toute ronde au château. Exprès pour les chevaliers. Il me semble qu'on vous y voit pas souvent. Non, mais c'est parce que là, on est en enquête pour le Graal. Dans les rades? Ah non, mais là, c'est notre point de chute. On va pas toujours bosser non plus. Ah bah non, ça ferait vulgaire. Et sans indiscrétion, qu'est-ce que ça a donné, cette pêche aux indices? Bah pour le moment, on a quelques petites ouvertures à droite à gauche des... C'est des choses encourageantes qui demandent qu'à se concrétiser, si vous préférez. Ce que je préférerais, c'est que vous bougiez un peu le train et que je sois pas obligé de faire la tournée des bistrots déguisés en vendeur de savates à chaque fois que j'ai besoin de vous. Dites le voyageur, c'est marrant, hein. Puis tout à l'heure, je regarde votre profil. Ah, y a pas de tortiller du fion, je suis persuadé de vous avoir déjà vu quelque part. Ah oui. Ça, y est pas de la famille du vieux Guénol? Si, celui qui a sa jambe vérolée, et puis ses deux filles qui font pute. Ben, c'est tentant, mais non, ça vient pas de là. Non, mais ça va me revenir. Un autre lait de chèvre? Oui, allez. Allez. Sans blague, sire, dites-lui que vous êtes roi. Non, je ne veux pas que les gens pensent que le roi picole. Déjà, vous deux, c'est de trop. Oui, mais nous, là, les gens, ils croient qu'on boit un coup avec un vendeur de savates. On a une réputation à tenir. Vous faites partie des personnes les plus chanceuses au monde, bande de nuls. Comparé à tous ces cons-là qui passent leur journée les pieds dans la merde et qui finissent alcooliques à 15 ans et demi. Vous avez un destin. Nous? Vous, oui, vous, à qui je parle. Mais quel genre de destin? Le Graal, crétin. La lumière divine, la mission sacrée. Ces gens-là, vous devez leur apporter la salvation. Personne n'en a rien à foutre que vous buviez des coups avec. Vous êtes pas dans le social, si? Alors reprenez votre place à la table ronde, la vraie. Voilà. Alors moi, je sors, et dans 5 minutes, vous suivez. Il part déjà, le voyageur? Oui, parce que j'aime pas voyager la nuit. Vous êtes sûr que vous aviez pas une sœur qui faisait le tapin à une époque? Ou une cousine. Ah, c'est possible. Hein. Vous savez, dans la famille, on a toujours été très à cheval sur la carrière. C'est la mienne. Allez, je vous laisse. Non, mais ça me revenir. Mais vous foutez de moi? Regardez, je l'avais vu, votre type. Il a sa tronche sur toutes les pièces de monnaie. Mais c'est le roi Arthur. Arthur? Eh ben, mon vieux, vous doutez de rien. Arthur, on le connaît bien. C'est pas le genre à radiner chez des rince-gosiers dans votre genre. Allez, on se tire, on a un destin. On n'a pas le temps de passer la journée avec des pécores, nous. On peut pas se permettre de passer pour des clodos. Si vous voulez pas passer pour des clodos, commencez par éponger votre ardoise. We'll be right back.